Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. En un demi-siècle, les protocoles sont devenus un best-seller international et un argument idéal pour justifier les politiques antisémites. Si les juifs complotent en secret pour asservir le monde, alors il faut se défendre, se débarrasser d'eux. Après la Shoah, l'Europe délaisse les protocoles et son mythe du péril juif. Mais dans le monde arabe, la naissance de l'État d'Israël va offrir au protocole un nouveau public et une seconde jeunesse. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 3. Du péril juif au complot sioniste. La fin du régime nazi ne signe pas la fin de la carrière des protocoles. Pierre-André Taguieff, quand les protocoles ont-ils été introduits au Moyen-Orient ? Nombreux sont les officiers britanniques qui au Proche-Orient ont joué en la matière, dès 1920, le rôle de passeur. Ils avaient emporté dans leur bagage des exemplaires de telle ou telle traduction anglaise du Shoah. Le navire Nevassa arrive à Haïfa, avec à son bord le 2nd bataillon du régiment royal, venu remplacer le 1st Royal Scots pour assurer le maintien de l'ordre en Palestine. C'est à la fin de 1925 que paraît au Caire la première traduction arabe des protocoles. La réception arabe des protocoles s'est faite en trois temps. D'abord au cours des années 1920 en Syrie, en Irak et en Égypte, à l'initiative de milieux arabes chrétiens occidentalisés et nationalistes. Ensuite, au cours des années 30, lorsque les leaders du panislamisme s'y sont référés dans leur lutte contre le sionisme. La population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre juifs et arabes. Aussitôt, des troubles ont éclaté. Enfin, après la création de l'État d'Israël et la première guerre israélo-arabe, sous l'impulsion de milieux musulmans qui ont instrumentalisé les accusations qu'ils véhiculent dans la guerre idéologique contre Israël menée sous l'égide de Nasser. Si quelqu'un vous attaquait, Nasser, quelle serait votre réaction ? Quelqu'un nous attaque, donc nous allons réagir. Et à la guerre, réagir, ça veut dire détruire son ennemi. Nasser avait épousé le principe d'une lutte exterminatrice contre Israël et il a naturellement fait appel à des professionnels en la matière. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a accueilli nombre de nazis spécialisés dans la lutte anti-juive. La colonie d'anciens nazis employés sous des noms d'emprunt à consonance arabe par les diverses administrations de la République arabe unie comptait déjà environ 6250 membres. On trouve notamment dans cette compagnie d'élite M. Johannes von Less, spécialiste éprouvé des questions raciales. Cet antisémite fanatique était considéré plus précisément comme un spécialiste du meurtre rituel juif et du complot juif mondial. Comme beaucoup de criminels nazis, von Lier s'échappe d'abord en Argentine. Mais en 1955, il s'installe en Égypte. Il y retrouve un ancien allié de Hitler, le grand mufti de Jérusalem. Le grand mufti accueille l'ers au Caire par un chaleureux discours de bienvenue. Je le cite, « Nous vous remercions d'être venus jusqu'ici, reprendre le combat contre les puissances des ténèbres incarnées dans la juiverie mondiale. » L'année suivante, il se convertit à l'islam avant d'organiser au Caire l'Institut d'études du sionisme. Il fut jusqu'à sa mort employé par la division de la propagande anti-israélienne au ministère égyptien de l'Intérieur. Il fut notamment ce speaker à l'émission de radio La Voix des Arabes. En 1957, via leur poste au sein de la propagande de Nasser, von Lier et d'autres nazis en exil vont faire circuler des protocoles dans une nouvelle édition, cette fois financée par le gouvernement égyptien. Convaincu de l'authenticité et de l'utilité des protocoles par les collaborateurs nazis de ses services de propagande, Nasser n'hésite pas à recommander à plusieurs reprises publiquement la lecture du document. Les éditions des protocoles se sont alors multipliées dans tous les pays arabo-musulmans, ainsi que les pamphlets anti-juifs qui s'en inspiraient. L'ouvrage est publié en 1957, mais ce n'est que 10 ans plus tard qu'il va vraiment connaître le succès, grâce à la guerre des six jours. Après la défaite de la coalition arabe début juin 67, au terme de la fameuse guerre des six jours, on a observé une intensification des usages politiques des protocoles et des textes complotistes dérivés. Sans cette volonté de se battre et de triompher, jamais le canal n'eût été atteint et en moins de 4 jours. 7 divisions égyptiennes bousculées, 4 anéanties par 3 divisions israéliennes. Il fallait expliquer la défaite des armées arabes, supposées invincibles, sans mettre en doute la bravoure des combattants arabes ni la compétence de leurs chefs. Alors ce traumatisme s'est transformé petit à petit en haine. Haine bien sûr contre Israël, haine contre les amis d'Israël, ceux qui ont pratiqué, comme l'on dit ici, la collusion, mais haine aussi contre les officiers égyptiens. Le recours au protocole permet donc d'expliquer les échecs politiques, économiques ou militaires des pays arabes dus à l'incompétence ou à la corruption de leurs dirigeants, en rejetant la faute sur les juifs et les sionistes, considérés comme une puissance occulte terrifiante. Préface des protocoles, édition arabe de 1967. L'année 1967 fera date. C'est au cours de cette année que le peuple de Sion confirma, pour la première fois dans son histoire, l'authenticité d'un document publié en 1905. Les fils de Sion ont donné la preuve matérielle qu'ils n'ont jamais oublié les protocoles. Les protocoles sont donc revenus un best-seller au Proche-Orient après la guerre des six jours. La lecture des protocoles a été publiquement recommandée par des leaders de premier plan du monde arabo-musulman, tels que les présidents Nasser et Abdulrahman Arif en Irak, le roi Faisal d'Arabie Saoudite ou le colonel Kadhafi. Si les Israéliens les découvrent, ils vont acheter tous les exemplaires. Ils ne veulent pas que les peuples du monde lisent ce livre. Je vais vous le donner. Idi Amin Dada, président ougandais. C'est un livre des Israéliens. Ce sont les enseignements des sages des Israéliens, des sionistes. À partir des années 80, l'islamisme remplace le nationalisme comme la force politique majeure du monde arabe. Après l'Égypte de Nasser, c'est dans l'Iran de Khomeini que les protocoles trouvent leurs meilleurs promoteurs. Mais d'abord l'Iran. L'Iran qui, ce matin, a définitivement changé de visage. Une seule loi, celle du Coran. Un seul régime, celui de M. Bazargan, premier ministre désigné par l'ayatollah Khomeini. L'Iran de l'ayatollah Khomeini a beaucoup fait pour la diffusion des protocoles, notamment en diffusant diverses traductions en anglais, en français, en allemand. Le mythe se présente sous la forme du complot sioniste mondial, ou depuis les années 1990, celle du complot américano-sioniste. Une vague d'éveil à la vérité est en chemin. Mahmoud Ahmadinejad. Comme Dieu m'est témoin, très bientôt, tous les pays verront vos plans pour ce qu'ils sont vraiment. Je vous informerai avec Dieu comme témoin qu'une tempête dévastatrice est en chemin, qui va déraciner la base du sionisme. Et on retrouve le même phénomène au sein des mouvements palestiniens, du Hamas et du Fatah. Les protocoles sont mentionnés dans la charte du Hamas en tant que preuve du criminel projet des sionistes. Nous l'avons lu, nous continuons à le lire, et nous demandons à nos membres de lire ce livre très attentivement pour apprendre la façon de penser de notre ennemi. Oui, il ne s'agit pas de lutter seulement contre Israël, il ne s'agit pas d'une lutte entre nationalisme, rivaux, concurrents et ennemis, mais d'une lutte asymétrique entre un mouvement islamo-palestinien et une bête, un monstre terrifiant que serait le sionisme mondial. Les crises majeures poussent à chercher des explications, à désigner des boucs émissaires. 14-18, 1917, la crise de 29, la guerre des six jours. À chaque fois, elles accélèrent la diffusion des protocoles. Les attentats du 11 septembre 2001 n'échapperont pas à la règle. On peut dire que le 11 septembre a constitué un puissant événement déclencheur qui a ouvert une nouvelle phase dans les usages du mythe du complotisme mondial. La logique du raisonnement complotiste inclut ce qu'on appelle en psychologie sociale le biais de proportion, qui pousse le sujet à croire que de grandes et terribles conséquences, une crise économique mondiale, une pandémie, etc., ne peuvent être engendrées que par de grandes, puissantes et terribles causes. Les attentats de New York, réduits à une opération sous fausse bannière, ont été attribués aux agents d'un complot sioniste, judéo-croisé ou américano-sioniste poursuivant leur projet de dominer le monde. On a tout ce qu'il faut pour savoir, sans aucun doute possible, que la version officielle est totalement fausse. C'est très certainement une opération sous faux drapeau menée par des élites impériales américano-sionistes. Voilà. Aujourd'hui, la diffusion mondiale des protocoles est assurée principalement par Internet. Se sont multipliés les sites d'orientation conspirationniste qui ont remis en circulation la thématique véhiculée par le célèbre faux. Et pour la France, on peut par exemple citer le site d'Alain Soral. Il est clair que, à la lecture des textes publiés par Alain Soral, on reconnaît évidemment la thématique des protocoles, la manière de mettre en forme différents ennemis, de les réunir en un seul super ennemi. Mais parallèlement, les protocoles, comme les textes qui en dérivent, continuent de faire l'objet de rééditions assorties de commentaires censés les actualiser. Dans de très nombreux pays, des États-Unis aux pays arabes, de l'Europe de l'Est à l'Iran, à la Turquie et au Japon, en passant par l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan et la Malaisie. Saudi Westall TV, 21 mars 2018. Est-il possible que ces juifs aient écrit ce livre et l'aient intentionnellement diffusé afin d'affaiblir la détermination des peuples? Il est possible qu'ils aient étudié l'effet psychologique qui pourrait être causé par la lecture d'un tel livre et qu'ils soient parvenus à la conclusion que cet effet psychologique leur serait bénéfique. C'est possible. Seul Allah le sait. Dans les pays arabo-musulmans, les protocoles constituent en outre un inépuisable réservoir de thèmes anti-juifs sollicités dans les prêches du vendredi ou les débats publics et mis en scène par des feuilletons télévisés qui constituent d'efficaces instruments de propagande antisioniste visant un public populaire. Les cavaliers sans monture. Le mouvement sioniste raciste a conçu un plan il y a longtemps, avant même le Christ. Une invasion sioniste pacifique de tous les pays du monde. La série égyptienne Cavaliers sans monture de 2002 en est un bon exemple. Mohamed Sobhi, acteur principal du Cavalier sans monture, 12 mai 2019. La vraie réussite de ma série, c'est que, dans les 3 mois après sa diffusion, 2 millions d'exemplaires des protocoles des sages de Sion ont été achetés par les étudiants des universités. Le faux, il faut bien le reconnaître, reste le principal vecteur du complotisme anti-juif dans le monde arabo-musulman, comme ailleurs. Comme ailleurs, car leur utilisation n'est pas du tout cantonnée au monde arabe. Les protocoles sont utilisés par les extrémistes de tous bords, suprémacistes blancs et antisémites noirs aux États-Unis, catholiques et protestants fondamentalistes en Europe comme dans les deux Amériques, nationaux traditionnalistes orthodoxes en Russie, fondamentalistes musulmans de toutes obédiences, néo-nazis païens, nationalistes radicaux, adeptes de sectes ou de doctrines ésotériques, amateurs de prophéties apocalyptiques de fin du monde, négationnistes et complotistes, fascinés par la légende des Illuminati. L'un des traits distinctifs de l'extrémisme, c'est précisément le recours à des théories du complot pour expliquer la marge des événements, surtout lorsqu'elle est jugée décevante, inquiétante, choquante ou terrifiante. Pierre-André Taguieff, on sait depuis très exactement un siècle que les protocoles sont des faux, et pourtant ils n'ont jamais cessé de rencontrer le succès dans des époques, des pays et des contextes très divers. Comment expliquez-vous cette longévité ? L'une des caractéristiques les plus remarquables du faux, qui explique ses usages politiques persistants, est, en raison du degré d'abstraction du texte qu'il contient, sa haute compatibilité avec des contextes historiques très différents. D'où les successifs recyclages du document. Si le document est si convaincant, c'est parce qu'il confirme une croyance préalable, qu'il la renforce et la justifie. Il procure ainsi une satisfaction cognitive. Lire les protocoles, c'est savoir d'où vient le mal, c'est donc savoir se défendre contre la menace. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Un podcast de Roman Bronstein et Alexandre Manzanares.